Chapitre 7e. Les pourquoi et les comment. Toto n'était pas content et il avait raison. Car il ne pouvait pas se dissimuler. C'était bien une veste qu'il venait de remporter. Cette fois, la chance n'avait pas été pour lui. Il avait pris au hasard, dans le directory qu'est le bottin d'Angleterre, le nom d'un professeur quelconque qui avait congrûment habillé son personnage. Et voici que ce docteur en biologie minérale était un des habitués de l'Institut Boisselin. À quoi vous répondrez que Toto ne pouvait pas le prévoir? Eh bien, si fait, il devait tout prévoir. Mais voilà, ses premiers succès l'avaient un peu grisé, et le hasard l'avait si bien favorisé qu'il finissait par croire qu'il y avait un pacte entre lui et l'aveugle fortune. Il fallait déchanter, l'affaire actuelle se présentait aussi mal que possible. Oui, je sais bien. Il semblait acquis que ce monsieur Pointre n'avait pas la conscience tranquille, mais encore était-ce bien prouvé. Qu'il garda jalousement son maître, qu'il redouta et conduisit les imposteurs, qu'il voulut lui épargner tout bruit, toute aventure désagréable, était-il rien de plus vraisemblable et de plus naturel? Or, il s'était passé ceci qu'un inconnu s'était introduit à l'Institut Boisselin déguisé sous un faux nom. Était-il à supposer que ce fût dans des conditions avouables? L'irritation, l'exaspération de M. Pointre n'était-elle pas parfaitement explicable? Évidemment, il était de caractère irritable. Le sang lui montait facilement à la tête. Mais qui eût répondu de garder son sang-froid? Qu'y avait-il d'étonnant à ce qu'il eût voulu saisir l'inconnu à la gorge et que, frappé d'un coup de canne qui lui avait fait mal, il se fût saisi instinctivement de la première arme qui lui était tombée sous la main, un marteau? Naturellement, l'imagination de Toto avait établi une relation entre ce marteau et celui qui avait donné la mort à Madame Boisselin. Mais entre nous, n'était-ce pas un peu trop, comme on dit, tiré par les cheveux? Et cet appel à la police, cet ordre de garder le faux anglais à vue, puis ce recul devant un scandale inutile, tout cela pouvait-il prêter à une interprétation accusatrice? Toto avait descendu la rue Saint-Jacques et, sur le quai, s'était assis sur un banc, causant avec Justine. « Donc, brave compagnonne, lui disait-il, jusque-là, il faut bien dire que c'est ton maître, le noble Toto, qui a le mauvais rôle. Il avait voulu trop faire le malin, mal lui en a pris. « Ah, je sais bien ce que tu vas me dire. Quand je lui ai dit mon vrai nom, il a changé de note. Il y a du vrai. J'ai lancé des allusions désagréables. J'ai insisté sur le marteau. J'ai parlé de l'assassinat de M. Boisselin. Il m'a répondu en somme des choses très normales. Que l'assassin était arrêté, que personne n'avait jamais accusé le mari, que j'avais tort de venir réveiller des souvenirs qui devaient être presque oubliés. Il était fort en colère. Il a fini par me flanquer à la porte. J'ai joué la dignité du mieux que j'ai pu. Mais en somme, j'étais peu brillant. Et il faut être franc avec soi-même, je ne sais absolument rien, c'est mon refrain et je dois m'y tenir. Si fait, je sais que M. Boisselin n'est pour rien dans l'assassinat de sa femme. Je sais que le malheureux Sordet est innocent. Je sais que M. Pointre, non, cela je ne le sais pas. Le crime a été commis entre minuit et 2 heures du matin. À 7 heures, Boisselin et M. Pointre se trouvaient au laboratoire de la rue de la Vieille Estrapade. Or, du Panthéon à la rue Pouchet, c'est-à-dire au fond de Batignolles, il y a un énorme ruban de queue. À pied, si vite qu'on marchât, il faudrait au moins 1 heure et quart, soit, pour l'aller-retour, 2 heures et demie. Mettons 1 demi-heure pour le crime, cela fait 3 heures. C'est-à-dire que M. Pointre, puisque je persiste quand même à m'occuper de lui, aurait dû partir à 11 heures pour se retrouver auprès de M. Boisselin, avec lequel, ceci est établi, il a quitté à 2 heures la rue de la Vieille Estrapade. Des voitures? Il y a 7 ans, le taxi n'existait pas et l'auto était plus que rare. Pas d'autre métro que celui de Vincennes-Porte-Maillot. Donc, M. Pointre, qui n'a pas le ton d'ubiquité et n'avait pas d'aéroplane à sa disposition, n'a pu quitter le laboratoire et y rentrer dans le délai qui lui était accordé. À supposer encore qu'il eût pu laisser son maître seul sans que celui-ci s'en aperçût. Toto s'était remis en marche vers la place Saint-Michel. Un cocher passait, voiture quelconque avec un cheval maigre. Toto monta, disant « Boulevard des Italiens, numéro 9 ». Le cheval démarra, trottina, eut quelques embargos rue de Richelieu, finalement arriva. Toto avait tiré sa montre, 17 minutes. Il descendit, héla un autre fiacre et le lança sur la place Clichy. Celui-là marcha bien, 12 minutes. En face de la statue de Moncey, Toto vit un sapin qui enfilait l'avenue. Le cocher à son appel cria « Je vais relayer ». « Moi aussi, » dit Toto, « au bout de l'avenue Clichy, double course. Ah, vous m'en direz tant. » Encore 10 minutes, Fouinard sauta sur le pavé et atteignit la rue Pouchet. Total, 42 minutes. C'est-à-dire qu'il était fort possible, de minuit à 2 heures, de trouver des voitures, à condition de ne leur demander à chacune qu'un court trajet. S'il était improbable qu'un cocher consentît à aller de la vieille estrapade à la rue Pouchet, 3 cochers étaient faciles à racoler. Alors, en partant par exemple à minuit, on était à la maison Boisselin à 12h45. On en sortait, besogne faite, à 1h et quelques minutes, et on était au laboratoire avant 2 heures. Donc, murmura Fouinard, il n'est pas impossible que le crime ait été commis par M. Pointre. Il était entré dans un café de l'avenue de Clichy et s'était fait servir le bock de la réflexion. Il tira son carnet de sa poche et lut ceci. Un homme, un monsieur, est venu chez Mme Hullard et lui a pris une leçon qu'elle devait réciter par cœur. Il avait les cheveux blonds, plutôt rouges. M. Pointre était chauve à demi, avec une couronne de cheveux poivre et sel, mais qui avait été noire. Son front était très gros. Le front de M. Pointre est démesuré. Il avait des taches sur ses vêtements, comme des brûlures. Préparateur de chimie. L'air jeune. M. Pointre n'avait pas plus de 35 ans. Donc, il y a 7 ans, il en avait 28. La voix était voilée. M. Pointre était très enroué et sa voix, quand il voulait crier, devenait rauque, comme celle d'un chien enragé. Il avait la main bandée, comme à la suite d'une blessure. Imbécile de Fouinard! Il n'avait pas regardé attentivement ses mains. C'est qu'aussi en arrivant à l'institut de M. Boisselin, il ne songeait pas à M. Pointre. Alors, se disait Fouinard, il n'est pas impossible que M. Pointre soit l'assassin de Mme Boisselin. Pourquoi l'aurait-il tué et quel avantage devait-il retirer de sa mort? Question réservée. Hé hé, se dit Toto, je n'ai peut-être pas perdu ma journée. Seulement, ne nous emballons plus. Disons-nous bien, toi et moi, Justine, que quand on veut avoir des alouettes rôties, il faut commencer par les tuer ou les acheter, et puis les faire cuire. Laissons le Pointre de côté pour l'instant, et pour clore la journée, occupons-nous de Malva. Il sauta dans l'omnibus de l'Odéon qui le ramena à la rive gauche et s'en alla à la préfecture, au sommier judiciaire. Il connaissait un employé qui se mit tout à sa disposition, et il apprit que le sieur Malva avait été condamné à 3 ans de prison pour recel et qu'il avait été libéré il y avait juste 15 jours. Quant à savoir ce qu'il était devenu, aucun renseignement, la surveillance n'existant plus. Ce fut en rentrant de cette longue expédition que Fouinard reçut la visite du reporter Samuel Fix, qui venait le supplier de s'occuper de l'horrible boucherie de la maison tragique du boulevard Bourdon. Pendant 1 semaine, il mit de côté l'affaire Sordet, et cela lui plut, car il sentait que ses idées étaient troubles et qu'il fallait un peu de temps pour les laisser reposer, comme le vin en pièces. Et quand le misérable Ambrosio Bonelli eut été livré à la justice, Toto, le cerveau clair et la tête fraîche, se remit à l'étude de l'affaire Sordet.